Une chanson bien à moi, par Manuel Di Grotesque, chansonnier poète. Bravo. Je pense à mon cerveau, et ce dernier réfléchit à moi. Je songe, j'en